Bonjour à tous, je suis Dominique Montet, co-créateur du podcast Dialogue d'auteur, le podcast qui fait parler les scénaristes de leur travail, leurs méthodes, leurs habitudes. Pour ce premier numéro, on s'est rendu dans les locaux de Beaubourg Productions pour aller voir les équipes de Falco et de Profilage de série TF1. Pour se situer, la première personne à prendre la parole, c'est Sophie Le Barbier, puis Fanny Robert pour Profilage. Olivier Dujol et Clotilde Jamin de Falco prennent la suite. Comme vous pourrez le constater, le son est correct, mais sans plus. La technique nous a lâchés sur place, et c'est l'enregistrement de secours qui a été utilisé. C'est une première. On s'améliorera avec le temps, j'espère. Merci à tous. J'espère que vous prendrez du plaisir à écouter les équipes de Falco et de Profilage parler d'écriture et de la méthode Beaubourg. À très bientôt. Comment êtes-vous devenu scénariste ? Eh ben, c'est Profilage, en ce qui nous concerne, qui nous a aidé à devenir scénariste. Enfin, en tout cas, moi. Puisque je n'avais jamais écrit avant. Donc c'est en développant ce qui est devenu par la suite Profilage que j'ai commencé à écrire. Et même pour... Tu as commencé comment ? Tu as eu un agent rapidement ? C'est vraiment le... Alors nous, on est une structure qui fonctionne de manière un petit peu originale. C'est-à-dire que les auteurs, les scénaristes sont des êtres indépendants, libres et des chevaux fougueux. Et nous, chez Beaubourg Audiovisuel, sous l'impulsion de Stéphane Marcil, on a mis en place une organisation complètement différente. C'est-à-dire qu'à l'origine, moi, j'étais... Je suis l'ancêtre hein, du groupe. À l'origine, moi, j'étais directrice littéraire, donc je n'écrivais pas. Et j'étais chargée, en plus des séries en cours, du développement, donc de solliciter des scénaristes indépendants pour qu'ils viennent nous proposer des projets. Et on a eu l'idée de proposer à Stéphane Marcil, notre producteur, un mode de fonctionnement complètement différent, qui était de faire venir en interne un scénariste qui écrirait avec moi des projets internes à la boîte. C'est comme ça que Fanny m'a rejoint. Et du coup, on n'a pas d'agent. On travaille en exclusivité pour Beaubourg Audiovisuel. Et voilà. Et tu écrivais avant que Profilage soit lancé ? Je n'écrivais pas avant. Un jour, Fanny Robert m'a mis un flingue sur la tempe en me disant « ça suffit les conneries ». En fait, le développement d'une série, c'est extrêmement long, c'est extrêmement compliqué. Pour te donner un exemple, sur Profilage, on a fait 27 bibles, 27 concepts. On est revenu 27 fois sur c'est un héros, c'est un groupe, c'est un homme, c'est une femme, ils sont deux, ils sont trois, elle est blonde, elle est rousse, enfin bon, bref. Parce que ça prend du temps, parce que créer une nouvelle série c'est compliqué, parce qu'en face on a un diffuseur qui lui aussi en fonction de ce qu'il diffuse sur sa chaîne a des envies qui évoluent. Et donc les scénaristes indépendants, cheval fougueux, avec un contrat sur un texte, il reste un mois, il reste deux mois, il reste trois mois, puis après ils ont des loyers à payer, c'est normal, donc ils s'en vont. Donc on a eu un scénariste qui est parti, un deuxième, un troisième. Au début, on était organisé sur un mode assez classique, c'est-à-dire que sur une commande de 6 épisodes, on avait 6 scénaristes extérieurs. Et puis ils sont tous partis les uns après les autres. Et moi, aux côtés de Fanny, je suivais l'écriture de très très près. Mais c'était quand même Fanny qui écrivait, qui avait conçu la série, le concept, etc. Et au bout d'un moment, elle m'a dit « tu vas arrêter de te voiler la face, tu sais très bien écrire, donc maintenant tu t'y mets ». Donc Fanny, dans le duo, c'est le méchant flic, donc ? Ah non, c'est le contraire. Ah d'accord. J'ai pas dit, tu mets des flingues sur les pompes pour faire rire les gens. C'est un flingue en chocolat. Oui. Ah d'accord. Non, mais c'est la situation que vient de décrire Sophie est très vraie, c'est-à-dire que... On avait tout simplement... Enfin, moi, je me suis retrouvée très vite assez seule. Et je trouvais ridicule cette situation alors que j'avais très tôt décelé l'immense talent de mon binôme à ma droite. Et donc voilà, ça s'est fait très naturellement, en fait. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai débarqué, je venais juste d'avoir 25 ans, et qu'on me propose un poste de salarié scénariste, c'était un peu le rêve, parce que jusqu'à présent, je vivais sur des options, ce genre de choses, dont on sait très bien qu'elles ne sont pas extrêmement bien payées, et surtout qu'elles fondent comme neige au soleil, donc c'était un peu idéal. J'avais vraiment le job de rêve, c'est-à-dire être payée à l'année, en tant que salarié, pour développer des concepts. Je faisais ça toute la journée, développer des concepts, faire des bibles, et le but, c'était d'aller vendre ces bibles aux chaînes. Et combien vous avez fait de concepts avant d'en arriver à Profilage ? Chez Beaubourg, on a dû en faire peut-être 5 ou 6. Ouais. Pas tant que ça. En fait, on a vendu Profilage très vite. Après, 2 ans de développement, ça paraît long, mais c'est pas si long, en fait. Ça a été un truc un peu de fine-tuning pour trouver la bonne formule. Ce qui n'a jamais changé dans le concept de profilage, ça a été la psychologie est au cœur de l'enquête, c'est ça qui nous permet d'avancer. Après, on a mis un petit peu de temps à cerner exactement ce qu'on voulait entendre pour notre héroïne, pour notre équipe. Une fois que ça a été mis en place, c'était pas si long que ça. Enfin, moi, ça m'a pas paru si long que ça, les 2 années de développement. Puis c'était nos premières fois, donc on était encore très jeunes et très fraîches. Donc chaque étape nous semblait une montagne gravie et était extraordinaire. Les premiers synopsis validés, les premiers séquenciers, les premiers dialogués. Et au niveau de Falco, ça s'est passé comment ? Bah, ça s'est passé à la fois de façon similaire et en même temps assez différente, puisque moi je suis arrivée comme Sophie pour faire de la direction littéraire du développement. Il se trouve que Falco est arrivé et en fait une chose en entraînant une autre, effectivement... le projet s'est développé et est devenu voilà pareil, on a eu un an et demi de développement et voilà, et donc en fait effectivement comme Fanny et Sophie, Falco c'est à demeure chez Beaubourg et Olivier m'a rejoint à la fin de la saison 1 pour faire de la co-direction de collection, parce que sur l'exemple aussi de mes chères voisines, 2 c'est quand même super chouette, donc voilà. Et avant Falco, tu écrivais ? J'écrivais, pas professionnellement et pas en tant que scénariste officiellement. Non. Donc c'est vraiment, comme Sophie disait, c'est exactement la réponse que j'aurais eue, c'est que moi je suis devenue scénariste avec Falco. Donc du coup Olivier, toi t'as un profil un peu différent. Bah, moi je me démarque parce que déjà j'ai pas le même sexe. T'es un cheval fougueux ? Et je suis un cheval fougueux moi, puisque je suis, contrairement à mes 3 amis, je ne suis pas salarié en CDI à Beaubourg d'Uziel, je signe des CDD, enfin j'ai quand même le même titre et je fais quand même partie de la société, mais pas avec le même statut, j'ai un agent et je suis arrivé, contrairement à elle qui était dès le départ précisément profilée chez Falco, moi je suis, même si j'ai travaillé sur la saison 1 de Falco, je n'étais que mercenaire, comme beaucoup d'autres auteurs, et ensuite Clotilde m'a proposé de venir la rejoindre effectivement pour partager la direction de collection avec elle en saison 2. Et donc moi j'avais travaillé du coup pour pas mal d'autres sociétés de production et d'autres projets avant, et donc Falco n'était pas mon premier scénario, ce sera pas le dernier j'espère non plus, mais ces temps-ci c'est tout ce que je fais par contre. Oui, parce que en fait, tu as participé à d'autres séries, comme Shérif par exemple. Oui, j'ai travaillé sur Shérif, j'ai travaillé sur Odysseus, j'ai travaillé sur Empreinte criminelle. J'ai même fait des ateliers d'écriture sur Section de recherche. Mmh. Et la première chose que j'ai écrite en télévision, c'était un unitaire, une comédie romantique pour TF1 avec Claire Keim, qui s'appelle La vie à une, qui doit avoir 7 ans ou 8 ans maintenant. Et maintenant, le travail à côté, c'est terminé, c'est terminé tout le temps. Pour deux raisons. D'une part, parce que j'ai pas le temps, honnêtement. Et d'autre part, parce que je trouve tout ce que je veux trouver en termes artistique chez Falco. Comment vous travaillez en duo sur Falco ? On a forcément des préférences et des différences. Après, on est à la fois complémentaires et en même temps interchangeables. Donc, c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que, comme on travaille, on est... pour certains épisodes, donc certains auteurs viennent travailler avec nous. Donc, eux, ils se concentrent sur la partie polar exclusivement, puisque Falco, c'est un épisode avec une intrigue polar bouclée, mais aussi énormément de feuilletonnant, donc à savoir une intrigue qui se file au long de toute la saison. Donc, nous, on s'occupe de tout ce qui est écriture des arches. Sur certains épisodes, certains auteurs viennent travailler avec nous sur le polar. Sur d'autres épisodes, on travaille tous les deux sur... Et on écrit la totalité d'épisodes, donc en fait ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Et puis dans le détail, pragmatiquement, quand on a un scénario à écrire, donc là on est en train d'écrire le dernier épisode de la saison 3, on a nos deux bureaux qui sont l'un en face de l'autre, pour expliquer géographiquement, donc on se voit. Par contre on reste chacun sur notre siège derrière notre écran, on crée un Google Doc partagé, et là, on va, je sais pas si vous, enfin, vous faites le test, créez un Google Doc et vous voyez marqué Olivier et Clotilde et on écrit en même temps. Donc en fait, le texte écrit à 4 mains et c'est merci Internet sur la même feuille. Et là, on se regarde, mais pourquoi t'as mis ça? Ça n'a aucun sens. Et moi, je préférais ça. Alors, on s'enlève les trucs. Parfois, on est sur la même ligne et on dit, mais non, mais tu vois, c'est très marrant. Et le truc prend forme et ça, c'est assez rapide. Et c'est, du coup, on parle à l'oral tout en écrivant à l'écrit. On se dit pas tout ce qu'on écrit, on se découvre des choses. C'est assez efficace et on structure comme ça, en tout cas au départ. Et il n'y a pas trop de jet d'objets de... Non, parce que je me suis mis très loin et elle s'entraîne de temps en temps, mais normalement, elle n'arrive pas à dépasser mon écran. Mais c'est plusieurs fois elle a jeté des trucs. Normalement, elle me jette de la nourriture. Et vous travaillez sur quand tu dis que tu travailles sur un, vous travaillez ensemble sur un Google Doc, le Google Doc c'est directement le scénario ou c'est... Non, pas du tout. Le Google Doc ça va être juste un fil à fil, c'est des idées qu'on jette et qu'on essaie de structurer. Par exemple, on va avoir des idées. Falco c'est en 4 actes, polar, avec donc une intrigue policière qui est procédurale, c'est-à-dire il y a eu un meurtre, un crime, une disparition au départ, qui lance l'enquête et qui va être résolue au sein de l'épisode. Et ça c'est avec du coup un teaser qui est un moment fort, qui est la présentation de la ce qui va être l'affaire. Et ensuite, il y a quatre moments forts qu'on appelle donc quatre cliffs. Et le dernier étant forcément la résolution avec, a priori, l'arrestation du coupable ou sa mort ou parfois, parce que sur Falco, ça arrive que ça finisse mal, le fait qu'ils disent, bah, en fait, on a compris ce qui s'était passé, mais on ne pourra pas donner suite. Et en plus de ça, viennent s'agréger les histoires personnelles, le fameux feuilletonnant dont parlait Clotilde. Donc, le Google Doc n'est là que pour mettre en fait, des idées de structure qui vont être chronologiquement l'histoire qui est déroulée, et quand on passe à l'écriture réelle, on passe au final draft, et là on ne peut pas partager, enfin en tout cas on n'a pas... Là vous partez chacun chez vous et vous écrivez chacun on n'a pas trouvé la fonctionnalité technique pour partager sur final draft, si quelqu'un nous entend, mais, et ensuite oui effectivement dans ces cas-là, soit on prend chacun un épisode et on commence à dialoguer un épisode de notre côté, mais on est toujours l'un en face de l'autre, soit si on travaille sur le même épisode, Olivier fait les actes 1 et 2 et moi je fais les actes 3 et 4, voilà. Je pense à peu près comme, c'est ça. Comme pour vous. Oui, sauf que nous, on n'est pas nerds comme vous. On n'a pas chacune deux écrans sur notre bureau et on ne savait même pas ce que c'était qu'un Google Doc. On écrit les fil à fil sur des feuilles de papier avec un crayon, en fait. Avec un marteau sur un... C'est ça, un scribe, on a un scribe. Mais justement, à quoi ça ressemble une semaine type de travail sur profilage? Jamais à la même chose. Parce qu'en fait, on écrit toute l'année, on tourne toute l'année, on post-produit toute l'année, puisqu'il faut sortir 12 épisodes en 12 mois. Et on ne s'occupe pas que de l'écriture, on s'occupe aussi de toute la production artistique. Donc il y a des semaines qu'on va passer en salle de montage, il y a des semaines qu'on va passer avec un casque sur les oreilles à écouter des mix, à travailler avec le monteur son... Il y a des semaines qu'on va passer à s'arracher les cheveux sur un texte, il y a des semaines qu'on va passer en réunion avec des auteurs pour faire avancer d'autres textes. Voilà, il y a des semaines où on fait tout ça dans la même semaine. Ouais. Et il y a des semaines où on fait tout ça dans la même semaine. Et du coup, c'est une façon plus ou moins détournée de créer un poste de showrunner, en fait. Vous êtes mais c'est pas détourné, en fait. C'est parce que c'est pas le terme. C'est producteur artistique, ouais. Ce qui revient à la même chose, en vrai. C'est juste que c'est pas un mot américain. Et donc, vous allez embêter les réalisateurs sur le tournage, vous êtes salle de montage. On est là, on est très présente au montage, parce que c'est vraiment plus les années passent et plus on se rend compte que cette écriture-là, l'écriture du montage est fondamentale. Les réalisateurs, on les embête pas, en fait. D'abord, on les choisit, c'est très important pour nous. Après, c'est vrai qu'on travaille vraiment main dans la main avec eux. C'est une des parties les plus importantes de notre travail. On réécrit beaucoup avec eux. On est en communication tous les soirs avec eux au moment du tournage pour débriefer les rushs. Et puis on suit tout le process de post-production avec eux. C'est-à-dire qu'on a une énorme exigence esthétique d'image sur profilage. Et du coup, y a une écriture de la réalisation, puis une écriture du montage dont on s'occupe au même titre que l'écriture des épisodes. Les réalisateurs, ils travaillent du coup avec une Bible ou... On travaille en famille, entre guillemets, donc on a des réalisateurs qu'on adore, qui apportent énormément à la série, comme Alexandre Laurent au premier titre, comme Vincent Jamin, par exemple, pour ne citer qu'eux. Donc on se connaît bien. On leur parle des épisodes avant même qu'ils soient finalisés. Après, ils ont la première version du dialogué. S'ils sont disponibles avant, ils peuvent même recommencer à réfléchir sur la base de discussions qu'on aura eues avec eux plus en amont. Et puis les choses se font au début de façon un petit peu informelle. Et puis après, on rentre dans un processus industriel pour le coup, où là, on va avoir beaucoup de relectures pour des coupes, des questions de production, de décor... d'emploi du temps des comédiens, enfin bon, Et l'une comme l'autre, vous aviez déjà touché à la réalisation ou pas du tout? Ah, mais on a tout appris sur le tas. Et pour Falco, alors une semaine type, c'est pareil, ça, c'est jamais la même chose? C'est globalement pareil. Effectivement, ce qui est assez important de savoir, c'est que en fait, la charge, pour nous, le temps passé est quasiment équivalent entre l'écriture et effectivement les réunions avec le réalisateur, avec les comédiens. Un texte, c'est chouette, mais un texte, il faut qu'il soit tournable, il faut que ce qu'on ait envie de mettre à l'écriture soit transmis au réalisateur pour voilà, que lui nous fournisse aussi ce qu'il a dans ses tripes, ce qu'il a envie de montrer à l'écran, enfin qu'on discute de tout ça. Donc c'est vrai que c'est énormément de temps passé à discuter, à échanger, à communiquer, à réécrire, à couper pour que ça rentre dans un plan de travail, etc. Donc oui, c'est à peu près pareil. Entre la réalisation, l'écriture, le montage, qu'est-ce que vous préférez en fait dans le processus? Ben on fait de l'audiovisuel, c'est-à-dire on serait romancier, on dirait on adore écrire, mais moi j'avoue que chaque phase, alors là je pense que c'est une question qui est peut-être un peu individuelle, mais chaque phase a ses frustrations et a ses joies. C'est vrai qu'il y a un soulagement à rendre et à être fier et arriver en VDF, veille de tournage ou pas loin, d'un texte qu'on se dit ça y est, on a enfin réussi à en tirer la substantifique moelle. Il y a une énorme satisfaction à pouvoir voir à l'écran tous les jours avec les rushs que les dialogues avec le réalisateur, on s'est vraiment compris, et ce qui est incarné par les comédiens, par le travail en lumière, les techniciens, ben, ça paye et ça va faire du coup un bon épisode. Il y a une joie à constater les qualités, avec évidemment toujours quelques faiblesses des premiers montages sur lesquels on va pouvoir retravailler avec le réalisateur. Il y a une joie de présenter à la chaîne la première version de montage et à voir s'ils sont contents ou pas, en espérant la plupart du temps heureusement qu'ils soient contents. Donc non, après oui, il y a aussi des frustrations. C'est frustrant de s'apercevoir que parfois on écrit trop vite parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est, comme disait Sophie, dans une industrie. Donc à la grande différence de secteurs un peu plus, alors j'allais dire plus artistiques, en tout cas où les gens prennent plus le temps de l'art, peut-être dans le cinéma de temps en temps, ou pour certains unitaires, ou parfois pour le lancement d'une série, à partir du moment où on décide d'avoir une saisonnalité fixe, un rendez-vous, 12 épisodes tous les ans grosso modo avec une diffusion à la même période, on a un cahier des charges industriel qui est très très lourd. Et à partir de là, nous, moi je disais toujours aux réalisateurs, on ne veut pas vous donner le meilleur scénario, on veut donner le meilleur scénario possible dans le temps imparti. Et vous n'allez pas nous donner le meilleur épisode, vous allez nous donner le meilleur épisode possible avec le financement et le temps de tournage imparti. Et ça fait une grosse différence, parce qu'évidemment on fait les meilleures séries possibles, mais on ne fait pas les meilleures séries. Moi je sais que Falco n'est pas la meilleure série du monde, ne serait-ce que parce que, évidemment, on est diffusé le jeudi soir comme profilage en France. Et d'habitude, qu'est-ce qu'il y a le jeudi soir? Il y a des séries américaines ou le mercredi, etc. Et on sait bien que le public français va comparer ce qui est comparable. Parce que, évidemment, moi je suis spectateur aussi, quand j'allume ma télé, je vois pas pourquoi je serais plus indulgent avec une série française, avec une série américaine. Et pourtant, on sait très bien que justement, le temps et le financement de l'écriture aux États-Unis n'est pas géré de la même façon. Le temps et le financement de la fabrication, j'entends le tournage et ensuite le montage, n'est pas géré de la même façon. Et du coup, en fait, on n'est pas forcément dans le même cours. Et moi, je suis très fier que sur Profilage particulièrement et sur Falco aussi, on arrive à soutenir, ne serait-ce qu'avec la qualité artistique vu les critiques qu'il y a, et puis les audiences, à soutenir la comparaison. Et justement, un épisode de Falco ou de Profilage, ça prend combien de temps en fait de travail tout cumulé? Bah, on est dans les mêmes contraintes, donc on a le même temps de travail imparti en moyenne. De toute façon, mathématiquement, on a 12 mois pour sortir 12 épisodes, donc les écrire, les tourner, les post-produire et les faire valider par le diffuseur. Donc c'est en moyenne un épisode par mois. Après, dans la réalité, on commence toujours un petit peu en amont. Donc on fait une saison sur 14 mois, en vrai. Mais un épisode à l'écriture déjà ne peut pas prendre plus de 6 à 8 semaines. Sinon, on rentre dans un goulot d'étranglement et on ne peut plus fournir. On a les équipes de prépa qui piaffent, les réalisateurs qui n'ont rien à tourner et c'est pas possible. Et sachant que ce n'est pas 6 semaines à 100% sur l'écriture d'un épisode. Quand on parle de 6 semaines, c'est des délais entre le moment où on commence et le moment où on termine cet épisode. Mais entre-temps, on a aussi effectivement le suivi du tournage des autres épisodes, on a le lancement des épisodes suivants. Enfin, en fait, on est en permanence en train de gérer les épisodes en train d'être tournés, ceux qui vont être tournés, et puis de lancer aussi ceux encore d'après pour avoir une visibilité à peu près à quelques mois près, quoi. En gros, on travaille énormément. Après, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'on a énormément de chance. C'est-à-dire d'être en maîtrise artistique de séries qu'on a lancées, qu'on a créées dans le cadre profilage ou adaptées et complètement transformées et transcendées de mon point de vue pour le cadre Falco. C'est vrai qu'on travaille beaucoup, c'est vrai que les rythmes sont soutenus, mais c'est une liberté et une créativité qu'on ne pensait pas pouvoir avoir un jour. Oui, c'était juste pour donner des chiffres. Moi, j'avais regardé justement parce qu'on avait, on a tous sur Falco profilage des plannings qui sont faits par la production avec sous feuille Excel, avec des jolies couleurs. Grosso modo, entre le moment où on va commencer à se pencher, grosso modo, sur le pitch d'un épisode et le moment où il va être livré, on appelle ça le PAD, prêt à diffuser, il y a entre 4 et 5 mois pour un épisode, sachant qu'en plus, on les fabrique systématiquement par deux. Parce que pour des raisons de coût et puis même de logique, étant donné que finalement ils vont être diffusés par deux, on les tourne par deux, ce qui permet aussi de temps en temps de faire des doubles épisodes de façon cohérente. Alors Falco et Profilage sont deux séries Beaubourg, deux séries qui sont diffusées sur TF1 dans une case polar qui n'avait pas forcément bonne presse à une époque. Comment vous expliquez que là ça fonctionne, il y a des bons retours et ça marche ? Je pense que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le fait ça s'est fait de façon totalement empirique, mais le fait que Clotilde et Olivier sur Falco et Fanny et moi sur Profilage, on soit responsable artistiquement de l'intégralité du process depuis l'origine de la première idée du pitch d'un épisode jusqu'au PAD de ce même épisode et sa livraison à la chaîne fait que on parle d'une voix artistique. Il n'y a pas 50 personnes qui donnent 50 avis. Des avis artistiques, on peut tous en avoir. Et il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Simplement, il y a un avis et il y a la responsabilité qui est associée à cet avis. Et là, la structure qu'on a mise en place, encore une fois, de façon complètement empirique chez Beaubourg, fait que il y a une tête pensante composée de deux personnes à chaque fois qui incarnent cette responsabilité là. Et par ailleurs, comme ça va très vite, TF1 est aussi obligé de s'adapter à ça pour pouvoir avoir les films livrés dans les temps. Et du coup, il y a un mandat de confiance en fait qui se fait de la part de la chaîne. D'abord parce qu'on a eu la chance d'avoir des audiences qui leur prouvent que c'est pas plus mal de nous laisser tranquilles. Et ensuite parce qu'ils n'ont pas le temps d'intervenir s'ils veulent leur film à temps. Il y a une relation de confiance en fait qui se crée effectivement. Mais vous leur avez prouvé que... Oui, c'est-à-dire bon qu'en saison 1, on avait des rapports même au stade d'écriture qui étaient beaucoup plus réguliers. C'était synopsis, enfin pitch, synopsis, séquencier, donc c'est toutes les étapes différentes d'écriture. Qui était validé par TF1 et puis quand on doit sortir plus d'épisodes par an et aussi quand on a effectivement montré qu'on maîtrisait l'écriture, ça effectivement Fabienne Arbelot qui travaille chez TF1 et que ça se passe super bien, on discute, on s'appelle, etc. Mais on est moins sur un processus de validation permanente des différentes étapes. Et comme on peut entendre souvent, les scénaristes se plaignent. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps. Enfin, au-delà de la confiance, il y a aussi un problème de temps qui fait qu'on est obligé de travailler de façon plus fluide. Olivier, tu as réalisé des courts-métrages. Est-ce que cette expérience, ça t'aide quand tu vas sur les tournages ? Oui, forcément, ça m'aide. Ça aide en prépa. C'est-à-dire que, bon, déjà, il y a le vocabulaire, tout ce qui était les techniciens. Je sais qui fait quoi, quand, pourquoi. Tant mieux, enfin, je pense que je sais aujourd'hui pas plus ni moins que Clotilde, Sophie ou Fanny, parce que forcément au bout de X années de fabrication, oui, enfin c'est pas non plus très compliqué honnêtement. Après, il y a un discours peut-être de réalisation, de mise en image, je suis pas sûr qu'il y ait une grande différence, encore une fois, enfin, tout s'apprend. Peut-être qu'après le fait que moi je l'ai vécu et je l'ai fait, ça me donne un petit avantage, mais c'est epsilon, quoi, c'est que dalle. Donc après, le rapport avec les réalisateurs ne savent absolument pas que j'ai réalisé. Je pense qu'ils s'en contrebalancent. Je pense qu'il n'y a aucun respect pour eux vis-à-vis de ma personne pour ça. J'espère qu'il y a du respect, mais que c'est pour autre chose du coup, plutôt la qualité des textes et la pertinence de ce que je veux et on peut dire avec Clotilde en réunion. Donc non, le fait d'être réalisateur, enfin d'avoir réalisé, je ne pense pas que ça... C'est pas pour ça que j'ai été pris ici et c'est pas ça qui est ni mis en avant ni vraiment utilisé sur Falco. Après, bah, ça fait partie de ce que je suis. Et... Le fait d'être ébéniste, ça aide pas... Le fait d'être ébéniste, ça aide beaucoup plus. D'accord. S'il y a un problème de décor ou... Voilà, c'est ça. Bah, souvent, je m'appelle la nuit, c'est moi qui fais le... Vous avez des comédiens qui travaillent avec vous depuis plusieurs années. Est-ce qu'avec le temps, ils finissent pas par intervenir sur le processus créatif ? Oui, bien sûr. Ouais. On a un rapport très intime avec les comédiens. On se parle beaucoup. On est à l'écoute de ce qu'ils ont aimé faire, de ce qu'ils aimeraient faire. Après, évidemment, il y a aussi nous ce qu'on a envie d'écrire, envie de leur écrire. On essaye de faire ça en bonne entente. Ça ne veut pas dire que tout ça est un chemin pavé de roses. C'est souvent beaucoup de discussions, parfois assez houleuses, mais au final, ça se passe très bien. Mais c'est sûr que sur une série longue, le rapport comédien-auteur est beaucoup plus fort et beaucoup plus problématique que sur un long métrage. Puisque ces personnages-là, les comédiens se les approprient. Ils vivent avec eux tous les jours. Nous aussi, on vit avec eux tous les jours. On détient chacun de notre côté la vérité du personnage. Et il faut que la vérité du personnage des comédiens et celle des auteurs s'accordent. C'est parfois un peu compliqué, mais c'est très riche. Et est-ce que parfois ils vous ont aidé à réaliser un truc dont vous n'étiez pas rendu compte et qui vous a permis d'avancer ou... Bah bien sûr, de toute façon, l'arrivée de Odile Villemin sur Profilage. Donc une fois qu'on a créé notre concept et écrit les premiers épisodes, on a casté, je dirais, une centaine de comédiennes pour faire ce rôle. On ne trouvait pas, on était assez désespérés. Est arrivée Odile et on a eu un énorme coup de cœur pour elle. Pour nous, c'était une évidence. Et ça nous a fait repenser notre série dans une certaine mesure, puisque tout d'un coup, ce physique, cette façon de jouer, cette façon d'apprendre les choses, nous ont fait remanier certains aspects du personnage. Donc oui, évidemment, les comédiens nous font réaliser des choses tous les jours. Sur Profilage, on a la chance d'écrire deux épisodes, puis de tourner, écrire, tourner, écrire, tourner. Donc on a une énorme réactivité. Ce qui fait que, par exemple, si on écrit une arche sur un personnage, un nouveau personnage arrive, par exemple, on écrit une arche sur lui... Finalement, le comédien est soit moins satisfaisant que ce qu'on imaginait, ou au contraire, il y a une alchimie géniale qui se passe. On peut modifier l'arche en fonction de ce que le comédien nous a apporté. Donc évidemment que le rapport à l'image et le rapport au jeu du comédien influence beaucoup notre écriture. Oui, pour le coup, un peu comme les Américains qui, au bout de 5-6 épisodes, se rendent compte qu'un truc fonctionne exactement. Pas, ils l'éjectent et ils passent à autre chose. Voilà. On a souvent changé notre fusil d'épaule, en bien ou en mal d'ailleurs, en fonction de tout d'un coup l'alchimie qu'on voit à l'écran, un truc qui se crée entre le personnage et l'équipe. Vous avez des regrets pour certains personnages, justement ? Il y a des personnages qu'on a adorés, qu'on aimerait voir revenir, dont on pas, on n'a parfois pas la place narrative de faire revenir tout de suite, et qui reste toujours dans un petit coin de notre tête, et qu'on arrive in fine à faire revenir. Par exemple, là, cette saison, le personnage de Louise Rancourt, qui est le personnage qui a tué le commandant Perrac à la fin de la saison 2, qui est joué par Marie Kremer. C'est un personnage qu'on adorait, on avait vraiment envie de voir revenir, on a mis un peu de temps avant de savoir comment on allait faire revenir, à quel moment, etc. Et elle est là cette saison. Justement, l'insertion d'un nouveau personnage dans une série qui fonctionne quasiment en duo, ça peut être un petit peu délicat. Vous êtes basé sur quelque chose d'existant, ce qui s'est fait dans d'autres séries, pour vous dire, tiens, on va faire plutôt comme ça. Non, en fait, la création du personnage d'Adèle, ça vient de plusieurs choses. Déjà, on avait très envie que Jean croie à la mort de Chloé à la fin de la saison dernière, donc on s'était dit que ça pouvait marcher que si on leur faisait... croire qu'une nouvelle criminologue est arrivée. Donc c'est parti un peu de là. Quoi dire d'autre sur le personnage d'Adèle? Comment on l'a pensé? On trouvait ça aussi rigolo de se dire, d'imaginer, de créer le profilage monde. C'est-à-dire que petit à petit, saison après saison, les personnages peuvent... On imagine qu'ils existent dans d'autres dimensions, ils ont des vies un peu parallèles, ils peuvent partir, revenir, et ça nous faisait rire d'imaginer qu'il y avait une unité à côté, avec notre criminologue, dans les mêmes locaux que la nôtre, qui peut naviguer entre notre série à nous et une série à elle. Par exemple, elle pourrait être une série parallèle, par exemple, ce personnage. On cherchait déjà à placer un spin-off ou un... Non, mais on se disait la même chose de Falco. C'est-à-dire que ça nous fait rire d'imaginer que tout ça est un monde qui existe en dehors de nous et qu'un jour, Falco et Chloé Saint-Laurent se croient sur une enquête. Donc c'est un peu l'idée, de toute façon, c'est de se dire que les personnages secondaires, ça n'existe pas dans le profilage, et de tous les traiter comme des personnages principaux. Et on se dit très souvent que, enfin, nous, on aime tous nos personnages entre guillemets secondaires pourraient avoir leur spin-off. Quoi. Ils ont tous leurs particularités, on les aime tous assez et on essaye de les créer assez riches pour qu'ils aient leur spin-off potentiel. Et justement, vu que ça a été glissé, vous avez un plan crossover, Falco Profilage ou Ben, on y réfléchit. Vous y réfléchissez juste comme ça, à la machine à café pour rigoler ou là, c'est vraiment... On y réfléchit parce que, comme dit Fanny, c'est... C'est tentant quand même. Bah, c'est deux équipes qui travaillent à Paris, c'est deux équipes qui travaillent aujourd'hui, c'est deux équipes qui sont très différentes mais qui finalement ont aussi des points communs. Donc, même chaîne, bah... même code de prod. Oui, enfin, elles existent en fait, ces équipes. Oui, mais au-delà de ça en fait, c'est vraiment... C'est vrai, elles existent, ils sont là, ils ont leur... Donc forcément, il y a un moment où... Je pense qu'on y a tous pensé, on en a tous envie, est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas, tout ça on verra. Hein, c'est... Qu'est-ce qui bloque, c'est les périodes de diffusion. Ah mais rien ne bloque. Non, le temps. Ouais. C'est-à-dire que dans un univers parallèle, pour le coup, ouais. L'univers des séries, où on aurait le temps de consacrer 6 mois à l'écriture de ce crossover, qui serait forcément un double épisode, ça se ferait tout de suite. Non, là, pour le coup, c'est le temps qui bloque. Alors, vous avez des arcs de développement par saison. Comment ça se passe? Ça s'écrit au fil de l'eau ou est-ce que c'est une réunion que vous avez au tout début pour dire, voilà, on va aller dans ce sens-là cette saison? Alors, en fait, on est réunis toute l'année. Ouais. Fanny et moi, à base de minutes, dans notre bureau. et Olivier et Clotilde qui se lancent de la bouffe à travers la pièce. Donc voilà, on est réunis les uns avec les autres toute l'année. Et les arches, alors sur Profilage, c'est assez rigolo, c'est invariablement la même chose, c'est-à-dire que on termine l'écriture d'une saison, les épisodes finaux partent en production, on a un bon petit coup une bonne petite déprime de post-partum. Après, on repart en se disant il faut penser à la nouvelle saison, lancer les arches. On réfléchit, on en parle, ça nous prend plusieurs semaines. On finit par les écrire, on les présente à TF1 qui nous les valide. Et puis, on commence à écrire concrètement la saison suivante. Et puis, très vite, on se rend compte que ça ne va pas le faire. Et là, on est sur la 6e saison. Donc, on a écrit 6 saisons d'arches. On n'a jamais tourné aucune de ces arches. Parce que, en fait, c'est un process. Je pense que notre grammaire à nous, du fait de notre façon de produire, du fait de ce que donnent les comédiens ou de ce qu'ils ne donnent pas, fait qu'on s'adapte en permanence à ce qu'on voit. Donc, on est dans une urgence, on est sur le fil et on s'adapte au rush, on s'adapte au montage et on a toujours fonctionné comme ça, en fait. Et je pense aussi, enfin, je pense que c'est la même chose pour vous, une arche, elle se nourrit, l'arche de la saison suivante, elle se nourrit même pendant qu'on est en train d'écrire la saison précédente. C'est-à-dire qu'un exemple, c'est samedi matin, je prends mon petit-déj et je reçois 5 textos d'Olivier Dujol qui vivait sa vie de l'autre côté de Paris et qui m'envoie 5 idées pour la saison. Et alors, est-ce que ce serait pas génial si Falco faisait ci? Est-ce que ce serait pas fou si... Et voilà, et c'est ça en fait. Je sais pas ce qu'il... Je lui ai demandé d'ailleurs ce qu'il avait mangé ce matin-là. Il m'a répondu du muesli et des bananes, donc ça m'a peu aidé, mais je sais pas ce qui s'était passé. Il a eu une espèce de 1000 idées, voilà, samedi matin, et je pense... et c'est des super idées. Et on les intégrera ou pas dans la saison qui vient, mais voilà, donc c'est un processus en permanence de création. Oui, alors j'étais dans le train, donc j'avais le temps de penser. T'es ennuyé. En fait, c'est vrai que c'est l'avantage, et c'est la grosse différence, je pense, qui existe entre Falco Profilage et d'autres séries qui ne fonctionnent pas avec ce modèle, c'est qu'on dirige à la fois l'artistique, mais ce n'est pas qu'une direction, on écrit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une création scénaristique qui est là, et on est en maîtrise, du coup, des histoires. Et le fait qu'on travaille, qu'on soit à demeure, puisqu'on est tous avec nos bureaux à Beaubourg et à travailler tous les jours de l'année à Beaubourg, et à pouvoir communiquer ensemble, et à regarder les rushs, comme disait Sophie, et à pouvoir rebondir avec ce qui est en train d'être créé chaque jour par les autres équipes, ça nous permet de nous adapter, mais surtout de voir loin. C'est-à-dire que si jamais à un moment donné quelque chose était de l'ordre de l'erreur, parce que effectivement, quand on dit on va faire une arche, et on s'aperçoit d'un coup... pour plein de raisons, parce que ça ne va pas rentrer, parce qu'en fait ça rentre en redondance avec un polar qui était finalement vachement bien, qu'on a dans un épisode, mais qui rend redondant l'arche qu'on avait sur le même épisode. Enfin, il y a plein de bonnes raisons de reporter à plus tard ou d'éliminer complètement une bonne arche et d'en trouver une autre qui sera du coup ponctuellement meilleure. Et le principe, c'est que comme on est tous toujours ensemble, on va plus loin. Donc là, quand j'envoie un SMS à Clotilde, c'est sur la saison 4, avec même des idées pour la saison 5. Potentiel, hein, j'ai rien n'est signé, on ne sait pas, ça se trouve ça n'existera jamais et ça se trouve ça ne servira à rien. Mais tout ça pour dire, ça montre déjà notre envie et surtout notre investissement. Et la grande différence, c'est que quand on est un auteur, et on revient un peu à ce qu'on disait au début de la discussion, un auteur un peu donc mercenaire, un fougueux cheval comme l'appelle Sophie, on est là sur un épisode, on a notre vue, elle est plutôt à court terme. On se dit, nous, on veut que cet épisode soit le meilleur possible, donc c'est surtout plus dur du polar. Et quand on est sur une série qui se fabrique à coup de mercenaires, sans vrai chef d'orchestre qui écrit aussi et qui crée aussi, et ben ça donne des choses qui sont très ponctuelles et ça empêche d'avoir cette adaptabilité et cette vision à moyen, à court aussi, hein, mais à moyen et surtout à long terme, qui fait que peut-être que sur Falco et Profilage, les arches, alors qu'en fait, comme dit Sophie, elles sont toujours remises en question et on n'arrive jamais véritablement à faire ce qu'on avait prévu un an plus tôt, et ben il n'empêche qu'il y a quand même de la qualité, il y a énormément de cohérence, parce qu'il y a des gens qui sont là et qui maîtrisent le process du début à la fin. Vous réécrivez beaucoup derrière les scénaristes invités ou pas ? Enfin, oui, on réécrit tout. Quoi. On réécrit tout. Moi, je vais prendre une phrase d'un autre scénariste qui est Simon Jablonka, qui disait un bon scénario, enfin, qu'on nous livre en tant que directeur d'écriture, collection et autres, c'est pas un scénario où il n'y a rien à faire, c'est un scénario où on sait ce qu'il faut faire. Et c'est vrai, quand on nous livre un scénario et on se dit, bon, ben, c'est cool. On a 2 semaines de travail, on va écrire tous les dialogues et on va écrire 75% de la structure de séquence, mais on sait ce qu'il faut faire, ben on est content. Ouais. C'est pas grave, on n'est pas contre le fait de réécrire. Les auteurs qui travaillent avec nous sont tous prévenus en amont. Ils savent ce qu'ils écrivent, ils savent pourquoi ils écrivent, ils savent pour qui ils écrivent. Ils sont tous des bons auteurs. Et c'est des bons auteurs. Et ça ne remet pas en question du tout leur travail. C'est un travail commun qui fait qu'il y a une direction sur la structure, puis une direction sur les dialogues. Et puis à un moment donné, on vient inclure d'autres histoires. Tout d'un coup, de toute façon, il faut adapter ce qui a été fantasmé au départ. Le scénario, c'est quand même un fantasme. Mais c'est aussi surtout un objet de travail. Parce que c'est pas comme un roman, c'est pas une finalité. Personne va lire le scénario, on va pas le vendre dans le commerce. Par contre, il y a beaucoup de techniciens, il y a beaucoup, enfin, tous les techniciens, tous les comédiens, les réalisateurs. C'est un outil de travail. Donc notre but à nous, directeurs artistiques, c'est de transformer cet outil de travail pour qu'il soit le meilleur possible. Et forcément, un auteur qui ne fait pas partie de qui n'est pas intégré complètement dans la fabrication, parce que ben, c'est la façon avec laquelle on travaille en France, ne peut pas avoir ça. Il est limité par sa position. Donc après, il y a sûrement des méthodologies autres à trouver pour transformer, pour améliorer ça. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, sans passer par Sophie et Fanny pour Profilage et Clotilde et moi sur Falco, sans passer par ce process de réécriture quasi complet, on ne pourrait pas avoir la qualité qu'on a aujourd'hui. Et vous aimeriez essayer une writer's room à l'américaine ? Peut-être que vous l'avez déjà essayé ? En fait, on ne l'a jamais véritablement essayé, dans le sens où une writer's room, pour avoir une vraie writer's room, il faut avoir 6 à 8 scénaristes, et que les choses traditionnellement se sont faites, les saisons se sont écrites à 2, 3, 4 auteurs maximum. Donc, en ce sens, ça n'a pas énormément d'utilité pour nous, d'autant que toutes les problématiques s'imbriquent. C'est-à-dire que nous, le feuilletonnant, les arches, la baie, on garde la main dessus. Et en plus, on ne sait pas d'un épisode sur l'autre, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on va écrire de ce point de vue-là. Donc, les auteurs n'interviennent que, entre guillemets, sur le polar, sur les intrigues 1. Donc tout ça fait que la writer's room à l'américaine, où tout le monde réfléchit ensemble à plusieurs épisodes avant de repartir avec son travail à faire à la maison, dans cette organisation-là, ça n'a pas vraiment de sens. Mais sans forcément calquer sur le modèle de la writer's room à l'américaine, on est, je pense que c'est pareil pour les filles, puisqu'on en a beaucoup parlé aussi ensemble, on est sans arrêt en train de se dire quelle pourrait être une façon différente et plus efficace de travailler, puisqu'effectivement, je pense que pour le coup, je parle pour tout le monde, on fait de l'industriel artisanal, c'est-à-dire qu'on est, on est en permanence dans un train qui va très très vite et on essaye voilà, d'anticiper. En fait, on rêverait tous d'avoir 4 épisodes d'avance écrits dont on sait que le polar roule, qu'on n'a plus entre guillemets qu'à mettre de la baie et qu'on a du temps pour se consacrer au montage des épisodes déjà tournés, au tournage des épisodes en cours, etc. Mais en vrai, ça n'a jamais pu se faire Et je pense pas qu'une writer's room nous permette de le faire. Parce qu'une writer's room, c'est pas des auteurs meilleurs que les autres qui écrivent tout seuls dans leur coin. Une writer's room, faut l'animer. Et le temps qu'on passerait à l'animer, c'est du temps qu'on passerait pas à faire d'autres choses qu'on doit faire là maintenant tout de suite et pour lesquelles on est déjà en retard. Mais on cherche d'autres modes de fonctionnement. C'est un appel. Ouais. Non, mais c'est un appel, c'est parce qu'on est en plein dans cette réflexion avec Olivier, parce qu'en fait, on est en train de terminer l'écriture de la saison 3. Donc, si saison 4 il y a, et on espère très très fort qu'il y aura une saison 4, oui, on essaye de réfléchir à d'autres modes de fonctionnement. Mais comme on a déjà réfléchi à la fin de la saison 2 et à la fin de la saison 1, et petit à petit, on crée notre mode de fonctionnement qui finalement, est plutôt satisfaisant, mais enfin on peut faire mieux, quoi. Et Beaubourg, il serait OK pour tenter un truc comme ça pendant une période? Oui, Beaubourg, c'est ce qu'expliquait Sophie et Fanny au départ. Beaubourg, c'est quand même très tôt, Stéphane Marcil a accepté un mode de fonctionnement qui n'était pas forcément celui de la totalité du marché. C'est un mode de fonctionnement qui a fait ses preuves, qui, voilà, donc je pense que oui, on est suivi là-dessus, quoi. Vous recevez des specs de Falco, de profilage par exemple? Alors, jamais, on adorerait. D'accord. Vraiment. un deuxième appel. Non, ce qui est très particulier en fait, je trouve, dans notre milieu, c'est que les scénaristes qu'on reçoit, c'est souvent des scénaristes qu'on nous a conseillés, des amis d'amis, des gens dont on admire le travail, dont on a apprécié des épisodes, on leur demande de venir nous proposer un pitch, on en discute ensemble. On voit surtout si on va arriver à travailler ensemble, parce qu'on passe notre vie dans nos bureaux, il faut qu'on sente qu'il y a des atomes crochus entre le scénariste et la série, en fait. Au-delà d'être un bon scénariste, il y a un scénariste qui va réussir à choper ou pas l'ADN Falco, l'ADN profilage, très très vite, étant donné que cet épisode doit être pondu en un mois. Donc la marge d'erreur est quand même assez faible. Donc on a des bonnes, des mauvaises surprises, parce que évidemment un très bon pitch peut donner un développement chaotique. L'inverse est aussi vrai, un pitch moyen derrière, finalement le scénariste a beaucoup de ressources et il a compris la série et ça fonctionne bien. Mais aujourd'hui, recruter des scénaristes, c'est extrêmement compliqué, tout simplement parce que entre autres, parce que l'écriture de spec n'existe pas en France. C'est vrai que si demain on recevait 3 specs profilage Falco, si on n'avait plus qu'à choisir entre ces specs, on serait dans un monde merveilleux. Les enfants, vous savez quoi faire. Non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Merci. Merci. L'objectif, c'est aussi de fidéliser un maximum les auteurs avec qui on travaille. C'est-à-dire que. Ouais. Effectivement, on ne peut pas être 60 sur une saison. Donc l'idée, c'est de trouver 3, 4 auteurs qui travaillent, avec lesquels on aime travailler, qui aiment la série. Et voilà, on peut se dire, super, on écrit un épisode ensemble. Et puis ensuite, on écrit peut-être 2 épisodes dans la même saison. Et ensuite, 3 épisodes dans la saison d'après. Et c'est, encore une fois, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'optimiser un mode de travail. C'est vraiment de fidéliser des auteurs et de créer une équipe. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est qu'en fait il faut voir que Profilage, qui est plus ancien que Falco, donc encore plus Profilage et même encore un peu Falco, on s'inscrit dans un, ce qu'on pourrait appeler un virage, ou en tout cas une évolution qui ne dépend pas du tout de nous, et en même temps qui dépend aussi un peu de nous, de la fabrication et de l'audiovisuel dans l'audiovisuel français. On passe d'un audiovisuel qui était très calqué sur le cinéma, où la majorité, il y avait déjà des exceptions, mais la majorité des séries ou des œuvres qui étaient diffusées en télévision étaient fabriquées de façon complètement artisanale, avec un auteur qui était chez lui, qui avait le temps, qui ne respectait pas les dates de rendu, qui était en plus très décisionnaire tout seul, puisque de toute façon, il rendait ensuite un texte à une production. Le producteur, évidemment, avait des compétences artistiques, mais ensuite filait le truc au réalisateur, et on se retrouvait avec le réalisateur qui pouvait changer ce qu'il voulait, etc. Là, on n'est pas du tout dans le même modèle, on est dans un modèle qui évolue, et c'est vrai que par contre, les gens n'ont pas évolué. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, en 10 ans, la situation change, et en même temps, c'est toujours les mêmes scénaristes, toujours les mêmes réalisateurs, toujours les mêmes chaînes, toujours les mêmes décideurs, les mêmes producteurs. Et c'est vrai que ça, pour certains scénaristes, le fait de devoir passer de l'un à l'autre, c'est pas que c'est impossible, beaucoup le font, mais il faut un temps d'adaptation. Alors, le fait, à mon nez, de nous, les écueils qu'on peut avoir par rapport, Fanny soulignait que c'était compliqué de recruter des scénaristes, c'est qu'on va passer je pense, d'un mode de scénariste qui était véritablement mercenaire et qui avait et qui bossait pour eux, à des scénaristes qui sont de plus en plus impliqués dans un projet, en espérant même qu'à terme ils soient peut-être impliqués que dans un seul projet au lieu d'aller, parce que c'est vrai que on disait tout à l'heure, il faut bien payer son loyer. C'est pour ça qu'il y en a un qui bosse un coup sur Falco, un coup sur Shérif, un coup sur Profilage dans la même année. C'est compliqué de s'apprivoiser, de pouvoir comprendre 2, 3, 4 séries qui s'adressent pas au même public, qui ont pas le même ton et de les maîtriser. Alors que tout d'un coup, si on vous dit, bah, tu vas faire 3 Falco dans l'année, bah, le mec il peut faire que Falco. Et d'un coup, il est beaucoup plus investi. Et on va passer donc à des auteurs qui sont plus investis sur une série, qui sont plus en compréhension d'une série, et surtout, et c'est ça la grosse différence, qui vont comprendre que c'est pas grave qu'on retouche leur texte, que c'est pas grave, qu'ils sont au service de directeurs artistiques. Et ça, c'est une grande composante des choix qu'on fait avec qui on travaille. Un auteur qui va systématiquement s'accrocher, dire « non, j'ai raison », alors que quand on dit non, j'ai raison, on discute, hein, on n'est pas autoritaire, évidemment, il a sûrement raison, donc on essaie de trouver, mais quand au bout de la deuxième ou troisième fois, le mec continue à dire non, j'ai raison, c'est comme ça et pas autrement, bon, il y a des chances que ça se passe mal, en fait, et que ça marche pas. Alors qu'un autre qui va comprendre nos motivations, avoir nos choix. Il faut qu'il ait ses convictions, évidemment, on a des auteurs qui aient des convictions, qui aient de l'investissement, qui croient en ce qu'ils font, mais on veut aussi des auteurs qui s'adaptent. Et qu'ils comprennent qu'à un moment donné, quand on dit quelque chose, on ne les dit pas pour les ennuyer, on ne dit pas parce qu'on pense que ce qu'ils font est mauvais, on dit parce qu'on pense que ce qu'ils font peut justement rentrer dans ce qu'on veut. Et il faut que ça rentre. Vous avez des rituels d'écriture particuliers? Vous préférez écrire le matin, l'après-midi, le soir, enfin la nuit? Non, on n'a aucun rituel d'écriture, on écrit quand on peut, entre deux montages, entre deux allers-retours sur plateau, entre deux réunions de casting. Alors eux c'est des geeks qui sont avec leurs écrans et leur Google machin. Nous on se met face à face avec Sophie avec nos crayons et nos feuilles blanches. On n'a pas de rituel particulier, si. Si tu parlais des moments préférés, moi mon moment préféré c'est définitivement quand j'ai fini d'écrire, en fait. D'accord, bah justement vous aimez écrire ou avoir écrit, ces deux choses sont complètement... Avoir écrit, d'accord. Et en même temps, parfois, une scène, ça peut être... on ne sait pas pourquoi celle-ci, on ne sait pas... C'est que tout à coup, il y a un espèce de truc qui se passe, quoi, entre la scène et nous. Et c'est voilà, elle prend forme quasiment toute seule, sous nos yeux. Ça dépend. Parfois, ouais, c'est moi le plus mininette des quatre, hein, faut se rendre compte. Moi je peux pleurer devant mon final draft. Hein. Ça m'arrive, mais ça m'est déjà arrivé, c'est vrai, tout d'un coup, parce que je vis la scène et je me dis, moi, et j'ai les larmes qui viennent. Ça m'arrive vraiment. Donc, non, moi j'aime écrire. Et sinon, en termes de rituel, moi j'aime bien écrire sans mes chaussures. Et comme de souligner mes amis anti-geek, et bon, bah, moi je suis un peu geek, hein, revendiqué. Donc j'ai deux écrans, comme Clotilde, et quand j'écris sur mon écran de droite, j'ai des compétitions d'un jeu vidéo qui s'appelle Dota 2, qui tourne en permanence quasiment, et donc de temps en temps jette un œil. Il m'arrive tout d'un coup de faire une pause d'une demi-heure, de regarder un match passionnant, comme on regarde un match de foot, hein, ou un match de tennis. Et puis ensuite de revenir à l'écriture, et ça me détend, et ça me permet d'avoir mon esprit qui vagabonde ailleurs, alors que j'écris, et puis de revenir, et j'ai des pics de concentration de 20-30 minutes en alternance comme ça. Oui, et puis on a nos écouteurs aussi. Oui, j'imagine. Olivier et moi travaillons avec nos écouteurs, chacun de notre côté. Quel genre de musique vous écoutez, Moi j'écoute un seul morceau en général, en boucle toute la journée, le même, ça peut durer des mois. Ouais. D'accord. Voilà. C'est Archive, Lights de Archive depuis, je sais pas, ça doit faire 6 mois ou 7 mois maintenant. Voilà, j'aime bien ce morceau. Ouais. Et moi c'est pareil, puisque moi je n'écris Falco qu'en écoutant qu'une seule BO. Qui est The Way Back. Le nom du compositeur est imprononçable. C'est un film avec Ed Harris, Colin Farrell et autres sur la Sibérie, etc. La BO est magnifique. Et je n'ai jamais écrit Falco que en écoutant les 11 ou 12 morceaux de The Way Back. Et je ne sais pas si je sais faire autrement. Quoi. Et les filles se moquent de nous, là. Oui, les filles rigolent en face. On est mentalement un petit peu... Voilà. Quel monde vous nous proposez? Un monde où les gens sont enfermés derrière leurs écrans avec leurs écouteurs. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour vos enfants? Je peux demander à Sophie qui ajoute du ukulélé pendant que toi tu écris. Ça va être rigolo, ça. J'ai hâte de voir ça. Non, nous on est dans un process beaucoup plus humain. Nous, on discute beaucoup. En vrai, on entrecoupe les séances de travail, de discussion sur nos vies, sur nous, sur nos enfants. Copains, sur nos enfants, nos maris, sur voilà, on discute beaucoup. Pas de musique, vous rythmez pas votre. On parle beaucoup. On analyse beaucoup de séries. Oui, on analyse les séries des autres aussi. Le matin, on se dit, t'as vu ça, hein? Qu'est-ce qui est bien? En ce moment, on est très sur The Good Wife. Très bien, The Good Wife. On est très Alicia Florrick, tout ça. Mais justement, ça allait venir sur ma dernière question. Justement, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui vous donne, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous plaît à la télévision ou au cinéma? Ou en BD, livre, je ne sais pas. Bah, les séries américaines, moi je regarde très banalement des séries de geeks, donc The Walking Dead, Game of Thrones. Ces temps-ci, j'ai commencé Scorpion, j'ai vu le premier, je vais regarder le second, histoire de voir si ça continue. Bon, ça me fait rire en même temps, je crois que c'était pas le but, mais moi je trouvais ça très drôle. D'accord. Tu l'as vu peut-être? Non, pas encore, j'en ai entendu des. Enfin, t'es pas. Voilà, j'ai cru comprendre, mon avis était pas isolé, que les gens disaient, ah tiens, si ça se veut sérieux, c'est raté, si ça se veut drôle, c'est plutôt réussi. Bon, on verra. Je lis pas mal aussi des bouquins, comme Game of Thrones. Sinon, je lis des livres de geek. Je lis Ready Player One, qui est un roman ultra geek. Donc, j'ai des romans policiers aussi de temps en temps quand je me sens en manque. J'essaie de regarder des films ou même des. Ou ce qui est diffusé à la télévision. J'ai regardé la dernière fois Pilule Bleue de Arte qui était diffusé vendredi dernier. Et ce qui inspire, honnêtement, c'est tout. Moi, je peux être inspiré par une bande-annonce. N'importe quoi qui raconte une histoire ou qui m'a raconté une histoire 15 ans plus tôt, avec Clotilde, la plupart du temps, quand on commence à écrire un épisode, une des premières questions qui vient, c'est qu'est-ce qu'on aurait comme référence, c'est-à-dire quelle histoire, qu'elle soit issue souvent, bon, évidemment, d'un film ou d'une série, parfois d'un roman ou d'une anecdote avérée journalistique, qu'est-ce qui fait que ça pourrait nourrir notre histoire à nous, en prenant peut-être certaines parties, en prenant certains moments, en les réadaptant à ce qu'est Falco. Donc pour nous, c'est aussi important d'avoir cette culture, justement, qui est tout le temps renouvelée via des séries, des films, des romans, puis des jeux vidéo. Tite, je t'ai vu faire un nom de la tête quand il a dit Game of Thrones. Ouais, et puis un jeu vidéo aussi, j'ai refait non. Non, mais c'est vrai que ça, c'était pas du tout quelque chose qu'on partage, donc c'était sympa aussi. Je trouve ça amusant. Mais il a essayé de m'expliquer ces machins, là, de monstres qui se tirent des flèches dessus et tout, j'ai rien compris. Donc moi c'est plutôt des séries comme Luther par exemple, mais voilà, j'ai pas trouvé encore autre chose que Luther qui vraiment m'emballait. Falco comparant. Ah oui par rapport à Falco. Par rapport à Falco. Et voilà, et sinon effectivement comme Fanny et Sophie, on essaie de regarder tout ce qui se fait un peu aux États-Unis, en Angleterre ou dans les pays nordiques, etc. Alors. Pas toutes les séries, parce qu'on n'a pas le temps, mais au moins un épisode, voir à quoi ça ressemble. Et pareil pour la. Il y a un truc en ce moment qui te. T'as besoin de voir l'épisode suivant assez urgemment. Il n'y a rien. Non, rien. D'accord. Et des séries françaises, on regarde aussi tout ce qui se. Pareil, un épisode de toutes les séries françaises qui sont diffusées, parce que c'est important aussi de voir ce qui se fait à côté. Donc voilà, et je pense que. Et par The Good Wife, alors là, on est très monomaniaque, The Good Wife, en ce moment. Qu'est-ce qu'on regarde après, en ce moment précisément, on regarde ça. Après, avec Sophie, on a un goût commun pour le drama. Ouais. Originellement, Six Feet Under, et puis tous ses dérivés, si je puis dire, dans le même genre. Moi, j'adore la sitcom. Ouais. Grosse fan de sitcom. Je suis un peu seule dans ce cas. Tu regardes ça en sitcom Community, ouais, Big Bang Theory, Roy Met, d'accord. Un peu tout. Arrested Development, des choses comme ça. Et vous êtes tous à l'heure actuelle sur du polar. Est-ce que vous considérez que c'est votre genre de prédilection? Est-ce que vous avez un genre de prédilection auquel vous aimeriez toucher Non, je pense qu'on. En fait, alors l'idée, notre genre de prédilection aujourd'hui, évidemment que c'est le polar. Mm-hmm. On a écrit combien de profilages? 57. Plus, 57. Donc bon, c'est évidemment ce qu'on maîtrise le mieux. Après, l'idée, c'est que profilage, c'est du drama qui s'est déguisé en polar. L'important, c'est vraiment l'histoire qu'on raconte, pas tant la procédure, etc. C'est vraiment le drama au cœur de l'enquête. Ce qui est aussi très important pour nous dans le profilage, c'est les ruptures de ton. La comédie, ça reste un point auquel on tient dans le profilage, et c'est souvent un point de débat avec des réalisateurs et même avec les comédiens. C'est-à-dire que les ruptures de ton, c'est pas encore quelque chose de très facile à appréhender, je trouve, aujourd'hui en France. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué d'expliquer dans un épisode qui est très dramatique ou avec une tension assez forte que la scène comédie ne va pas détruire cette tension, mais elle va la construire. Voilà, ça c'est un point sur lequel on a souvent des discussions, notamment avec les réalisateurs. Mais petit à petit, on arrive à faire entendre ce point de vue-là, et je trouve que c'est un des trucs qui marche plutôt pas mal dans le profilage. Le polar aussi, à fond, des envies particulières, écrire justement un drame familial peut-être. Alors ça, ce serait mon rêve. Ouais. En fait, on a déjà écrit 57 drames familiaux, puisque c'est vraiment l'ADN de profilage. Mais oui, ça j'avoue que j'adorerais faire ça. J'ai vu que le titre, quand je parlais de polar, c'est un oui, là, pour le coup. Ah oui, moi, j'adore ça. Voilà. J'adore le polar. Après, je pense que c'est ce que disait Fanny aussi, c'est pas le polar... Le polar, c'est très technique. C'est pas vraiment la technique du polar qui m'intéresse, c'est le côté tragique, en fait. C'est-à-dire que je réfléchissais à ce que je regarde en ce moment. Je peux regarder Utopia ou Boss, et c'est des séries qui... C'est pas du polar à proprement parler, mais il y a cette espèce de... cet enjeu très fort et cette tragédie, et j'adore ça, en fait. J'adore ça en littérature, j'adore ça au cinéma, je trouve que c'est une construction à la fois extrêmement fine et en même temps très humaine, avec un enjeu fort, et j'aime la rencontre entre tous ces univers-là. Donc c'est ce qu'on essaye de transmettre dans Falco, et voilà. Olivier, c'est l'héroïque fantasy, je pense. Ouais, pas que. Non, mais oui, il y a de la fantasy. Moi, si je pouvais faire un jeu JRTM... côté jeu de rôle qui ressort, un Seigneur des Anneaux ou du Blade Runner, donc de la science-fiction ou de l'anticipation. Moi, j'ai regardé la série, alors j'ai vu que la première saison, enfin les trois premiers de Black Mirror, j'ai trouvé ça absolument fantastique, et j'ai regardé les trois suivants. Moi, ce que j'aime dans le polar, c'est la logique et le côté rigoureux de l'enquête, en fait. C'est-à-dire que il y a beaucoup de... Dans un autre genre, la comédie, le drame, il y a des choses qui peuvent être très subjectives, qui sont soumises à l'interprétation. Dans une enquête, c'est quelque chose d'objectif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, quand il y a eu un fait, des preuves, on ne peut pas faire penser n'importe quoi aux enquêteurs sous prétexte que ça serait bien qu'ils aillent quand même dans cette direction, parce que c'est vrai que là on a que deux séquences pour arriver à ce résultat. Donc s'ils pouvaient avoir l'intuition divine de faire, non, ça ne fonctionne pas. Donc moi, j'aime beaucoup la rigueur de l'enquête, et je pense que quel que soit le genre auquel je touche dans l'avenir, il y aura une enquête, et une enquête rigoureuse, parce que c'est vrai que ça donne un objectif, un désir au personnage qui est voilà, une colonne vertébrale, comme dit Fanny, une structure qui est très solide, et par-dessus ça, on peut complètement déjà le faire dans d'autres mondes, tu disais fantasy, science-fiction et autres, on peut complètement y agréger des drames familiaux, de la romance, de la comédie, et exactement comme Fanny, moi je suis très sensible aux ruptures de ton. Moi je me souviens, je ne vais pas faire du name-dropping, mais il y a sûrement un très très grand, genre Carpenter ou je ne sais pas qui disait que le fait de devoir... quand on fait de l'horreur, on est obligé de faire de la comédie, parce qu'en fait, on s'use. C'est-à-dire que émotionnellement, un spectateur, si on lui fait peur, mais au moment, ça va, il dit en fait, c'est bon, on a atteint la limite, je suis sur mon plateau de peur, je ne pourrais pas me faire plus peur. Et en fait, j'en ai d'ailleurs un peu marre d'avoir peur, ça m'ennuie, donc je vais arrêter de regarder ton film. Par contre, si jamais on entrecoupe avec tout d'un coup un moment soit d'érotisme profond, c'est pour ça qu'il y a du cul de temps en temps dans les films d'horreur, c'est que d'un coup ça coupe l'horreur, ça fait passer à autre chose et on peut repartir dans l'horreur derrière. Et ben dans le polar, moi je suis comme je crois Fanny, Sophie et Clotilde, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a une enquête qui est tendue, et à un moment donné, mettre un petit instant de comédie pour décompresser, ben ça fait un sas de décompression qui est indispensable pour le spectateur, parce que sinon en fait la tension elle est insupportable, c'est peut-être un mot un peu fort, mais dans une certaine mesure elle peut devenir insupportable, et le fait d'avoir un sas de décompression comédie ou romance, histoire parallèle, donc la fameuse intrigue B dont on parle nous, ou de la comédie dans l'intrigue A, hop, on peut repartir ensuite à nouveau en pression, et là mettre les bouchées doubles, et hop, ça renforce et les gens rentrent dedans. Donc et c'est vrai que c'est une discussion qui est parfois difficile avec les réalisateurs, parce que certains ne sont pas habitués, certains pas, d'autres aiment, hein. Honnêtement, c'est pas difficile avec tous les réalisateurs, heureusement, mais nous, moi je pense que c'est indispensable sur Falco, et a priori sur un profilage aussi. Alors, au moment de l'enregistrement de ce podcast, on est à 2 semaines de la diffusion du premier épisode de la saison 5 de Profilage. Pas trop stressé? Ah si, la tension monte, comme chaque année, comme chaque saison. Si, si. On commence à devenir un peu nerveuse. Il y a justement la répétition fait pas qu'on se dit non, cette année ça va bien se passer. Ah non, on est hyper superstitieuses, on est super angoissées toutes les deux, donc non. Non, faut que les gens soient gentils avec nous, sinon on peut se mettre à pleurer pour rien. Il faut qu'on mange bien, il faut que nos enfants se couchent tôt, ça peut partir très vite en fait. On prenne beaucoup de Xanax. Non, c'est le moment où on devient assez infréquentable. Oui, puis c'est le moment que vous ne maîtrisez pas du tout, en fait. Donc c'est exactement ça, tu as complètement raison. On est dans un espèce de délire, d'illusion, de maîtrise sur tout le process artistique, en tout cas de la série. Et puis là, on lâche notre bébé et ça ne dépend plus de nous. C'est comme monter en avion, en fait. Ça ne dépend plus de nous. C'est très angoissant. J'imagine que vous êtes confiant pour la saison d'un point de vue qualitatif. Jamais. Quand même. On est content de ce qu'on a fait. Il y a des... ce que vous vouliez. Voilà, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Il y a des épisodes qu'on aime moins, mais il y a des épisodes qu'on adore. Donc, on est particulièrement content du final. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qu'on attend, encore plus particulièrement la diffusion des 2 derniers épisodes, parce qu'en général, on construit notre saison en montée dramatique. Donc, c'est toujours le moment qu'on préfère écrire. En plus, le final a été tourné par Alexandre Laurent, qui est en plus d'être un ami qui nous est très cher, un brillant réalisateur qui est venu exprès tourner le final avec nous alors qu'il a un emploi du temps surchargé. Donc émotionnellement pour nous ça va être hyper fort parce que de tous se retrouver autour de la diffusion de ces 2 derniers épisodes avec un réalisateur avec qui on a complètement recréé Profilage à la fin de la 2e saison. Au début de la 3e saison est arrivé Alexandre Laurent avec qui on a reconstruit cette série. Et donc c'est très fort pour nous qu'ils soient revenus pour faire le final de cette saison. Ah, merde. Pas trop quoi dire d'autre. Merci beaucoup d'avoir participé avec ce premier numéro. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci.